elles se sont faites désirer. Les ondes gravitationnelles ont été prédites par Einstein comme des oscillations de l'espace-temps générées par le mouvement des astres dans l'univers. Cette conception théorique date du début du XXe siècle, mais leur première détection, en vrai, n'est survenue qu'en 2015. Depuis, les observations s'accumulent. Une dizaine d'ondes gravitationnelles ont été observées. Mais leur détection est si fine que le moindre bruit parasite peut être source d'erreur. Tant et si bien qu'un petit groupe de physiciens danois l'assure, la détection des ondes gravitationnelles ne serait qu'une illusion. Ondes gravitationnelles, les a-t-on bien entendues ? C'est la vibrante question qui nous secouera dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour parler des ondes gravitationnelles, des méthodes de la recherche scientifique les concernant comme du fonctionnement des gigantesques équipements qui les détectent, deux invités sont avec nous aujourd'hui. Frédéric Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne spécialisée des ondes gravitationnelles. Vous êtes directrice de recherche au laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules et vous travaillez dans l'équipe Virgo. Vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS en 2017. Jean-Pierre Lazota, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris, Sorbonne Université. Vous êtes professeur au Centre d'astronomie Nicolas Copernic de Varsovie. Vous êtes également co-auteur du livre « Les ondes gravitationnelles » avec Nathalie Deruel, publié chez Odile Jacob. Nathalie qui nous a promis de nous écouter. Bonjour Nathalie. Alors nous la saluons et nous lui disons que si par malheur elle n'avait pas pu l'écouter aujourd'hui en direct sur les ondes de France Culture comme c'est l'usage, une séance de rattrapage est possible puisque l'émission peut se réentendre en replay sur le site de France Culture, franceculture.fr. Le podcast est aussi une option, il faut utiliser votre appli préférée. Et puis enfin, nous sommes aussi sur Twitter à l'adresse @laméthodefc. Et pendant toute l'heure qui vient, eh bien, sera publié sur Twitter les liens qui vont bien pour prolonger la discussion sur les ondes gravitationnelles. Alors il y a une double actualité sur les ondes gravitationnelles en ce mois de décembre, une actualité un peu schizophrénique si je puis dire, parce que d'abord il y a la récente publication d'un catalogue exhaustif des 11 ondes gravitationnelles déjà mesurées, et cela évidemment ça vient conforter la fiabilité des détecteurs, mais d'un autre côté il y a, alors comment la qualifier, on va voir avec vous dans les quelques minutes qui viennent. Comment qualifier cela? Est-ce une polémique? Est-ce un buzz médiatique? En tout cas, il y a ce que prétendent un groupe de physiciens danois qui travaillent à l'Institut Niels Bohr de Copenhague. Et ils soutiennent, depuis février 2016, que la détection annoncée des ondes gravitationnelles n'est qu'une illusion. Propos a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps parce que le grand magazine scientifique New Scientist a fait un papier concernant leur théorie et dans lequel il donne la parole à, par exemple, Andrew Jackson, qui est l'un des chercheurs de l'Institut Niels Bohr, qui conteste les méthodes de calcul utilisées pour dissocier le signal les ondes gravitationnelles, du bruit de fond qui est enregistré par les détecteurs. Alors, Frédéric Marion, vous qui travaillez au sein de la collaboration LIGO-Virgo, et on reviendra tout à l'heure dans l'émission sur ce que sont LIGO-Virgo, mais disons tout de suite que ce sont les détecteurs qui sont à l'origine de l'observation des ondes gravitationnelles, je veux évidemment avoir votre réaction sur ce que prétendent ces physiciens danois. Je précise qu'ils ont fait un papier publié dans une revue scientifique pour étayer leur dire. Alors, ma réaction, c'est que à la fois, je suis tout à fait sereine, parce que je suis absolument convaincue de la solidité de nos résultats, et en même temps, je suis un petit peu surprise de l'écho médiatique qui est accordé à cette controverse, disons. Monsieur Lazota, je crois que vous allez aller dans le même sens. Je vais dans le même sens. D'abord, New Scientist part d'une nouvelle exclusive. Pourtant, le groupe danois a déjà publié ça il y a 2 ans, son article. Donc c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils avaient publié ça après la découverte de la première découverte d'ondes gravitationnelles. Depuis, il y en a 11, comme vous avez mentionné, et il y en a une qui montre que tout cela n'a aucun sens, que racontent les Danois, parce que... C'est laquelle, précisez-vous. Il y a eu en même temps, c'était une coalescence de 2 étoiles de neutrons qui a été observée en ondes gravitationnelles et par 70 télescopes électromagnétiques. Alors, une fusion. Il y a deux étoiles de neutrons qui tournent une autour d'elles, enfin. Et puis elles se rencontrent et elles forment quelque chose qui est probablement, fin de compte, un trou noir. Donc, contrairement aux trous noirs qu'ils peuvent observer, ondes gravitationnelles, une coalescence d'étoiles à neutrons produit un signal de radio optique, UV, infrarouge, gamma, X, etc. Et ça a été vu, non seulement ça a été vu, mais ça a été vu comme c'était prédit par le modèle d'une telle coalescence. Donc, les Danois, ils sont pas stupides. Et alors ils disent oui, mais dans le cas de ces découvertes, il y avait ce qu'on appelle un glitch, parce que ça, Frédéric sait mieux que moi ce que c'est des problèmes qui sont toujours présents, qui étaient présents, j'espère qu'ils seront plus présents, qui étaient présents dans les détecteurs. Et donc ils ont enlevé ça. Alors ça, c'est pas fiable. Mais ce glitch n'a rien à voir avec un satellite Fermi qui découvre un sursaut gamma qui correspond exactement 7 secondes après la coalescence vue par les ondes gravitationnelles. Donc, il faudrait vraiment un complot d'une dizaine de milliers, parce qu'il y avait une dizaine de milliers de chercheurs qui ont été impliqués dans cette observation pour produire ce genre d'observation. Donc, c'est tout simplement, je pense que c'est une base médiatique peut-être liée au fait que on a publié, Ligo Virgo a publié un nouveau catalogue où il y a 11 sources. Donc, c'était peut-être lié à ça, mais c'est si nouveau, ça n'a pas beaucoup de sens. On peut peut-être en discuter plus tard. Ça peut être un point de discussion sur les méthodes qui ont été utilisées jusqu'à maintenant par Ligo Virgo, le secret, le non-accès. Alors, c'est-à-dire ça a changé, c'est de l'histoire. Hein, donc, parce que en réaction à cette polémique entre guillemets, Ligo a diffusé des données, a publié des logiciels, chose qui n'était pas faite avant. Est-ce que c'est le signe que à l'intérieur de ces instituts tels que Ligo Virgo, on travaille avec une forme de culte du secret, peu de transparence, qui pourrait finalement conduire à des histoires comme celles qu'animent les Danois aujourd'hui, Frédéric Marion? Je crois que ce qui est en jeu ici, c'est vraiment tout sauf un manque de transparence, pour deux raisons. D'une part, parce que la collaboration LIGO-Virgo, elle est ouverte. C'est-à-dire que des collègues qui ont envie de nous rejoindre pour participer à cette entreprise collective, de faire fonctionner ces détecteurs et d'analyser ces données, d'y contribuer, sont absolument les bienvenus. Et d'autre part, parce que après avoir analysé nos données, nous les rendons publiques, c'est-à-dire que nous les mettons à disposition de la communauté scientifique. Et ça, c'est pas en réaction à l'attitude peu collégiale du groupe danois. C'est quelque chose qui a été prévu dès le début, et c'est même ce qui leur a permis à eux d'accéder à ces données. Donc ils ont travaillé avec vos données, avec les données de Ligo. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait, pour permettre à l'ensemble de la communauté de reproduire nos résultats ou de poursuivre une science autre. Encore faut-il que l'analyse indépendante soit de bonne qualité et que ce soit la bonne foi qui préside au débat. Bon, ce que je comprends de façon un peu, j'allais dire, subliminale, c'est que ces physiciens danois, ils sont pas très bien intentionnés, quoi. Non, c'est clair qu'ils se sont figés dans une posture de contestation qui est stérile. Monsieur Lazota? Oui, enfin, je ne sais pas. Je suis physicien, je suis pas psychologue ni sociologue. Je ne sais pas quels sont. Je les connais pas d'ailleurs les Danois. Cela dit, il est sain que tout résultat scientifique soit contesté, mais comme a dit Frédéric, il faut que cette contestation soit de bonne qualité et de bonne foi. Surtout de bonne qualité, parce que on peut pas contrôler les intentions et les caractères des gens, mais même si elle est de mauvaise foi, l'analyse et la contestation doit être de bonne qualité. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h10, vous êtes bien à l'écoute de la méthode scientifique. Nous sommes en compagnie de Frédéric Marion et de Jean-Pierre Lazota. Et nous parlons des ondes gravitationnelles. Alors après avoir abordé, et on n'y reviendra plus, cette polémique qui a été lancée par un groupe de physiciens danois, j'aimerais maintenant qu'on rétropédale un petit peu pour quand même donner des éléments de définition. Les ondes gravitationnelles, on en parle beaucoup depuis 2015, puisque leur première détection date du 14 septembre 2015. Mais bon, ça va quand même pas de soi de savoir ce que sont les ondes gravitationnelles. Donc à l'origine des ondes gravitationnelles, il faut quand même citer Einstein et la théorie de la relativité générale. Frédéric Marion. Oui, effectivement, les ondes gravitationnelles, ce sont des vibrations de l'espace-temps qui avaient été prédites par Einstein dans le cadre de la théorie de la relativité générale. Ces vibrations, elles sont produites dans des phénomènes astrophysiques extrêmement violents. Elles se propagent ensuite dans l'espace jusqu'à arriver à la Terre, où nous avons les détecteurs capables de mettre en évidence leur passage. Alors, c'est toujours difficile de faire des analogies, d'utiliser des images, mais... Monsieur Lazota, il y a toujours cette image, cette analogie avec le mouvement de la barque à la surface de l'eau qui provoque des rides à la surface de l'eau. Et les rides seraient ces ondes gravitationnelles qui viendraient jusqu'à nous. Ben oui, mais c'est comme toutes les images qui ne sont pas une représentation fidèle, ça a des avantages et des désavantages. Donc oui, on peut imaginer ça comme des ondes, sauf que ce sont des ondes, comme a dit Frédéric, de l'espace-temps. Et imaginer l'espace-temps devient un peu plus difficile. Donc déjà imaginer un espace-temps à quatre dimensions, parce qu'il a quatre dimensions, trois espaces plus temps, c'est encore plus difficile. Donc on a ces images qui servent à illustrer ce qu'est une onde gravitationnelle. Ça donne pas grand chose, ça montre une onde. Mais ce qui est plus important à comprendre, c'est que ce qui oscille, c'est pas un substrat. C'est l'espace-temps. Oui, c'est là aussi où l'analogie a ses limites. Laissons pour le moment le temps, parce que le temps sert à ce que ça se propage, que ça bouge, mais ça bouge dans l'espace. Et ce qui bouge, c'est la géométrie, c'est les distances dans cette géométrie qui oscillent. Donc c'est une oscillation vraiment de la géométrie, maintenant je vais vous faire un peu peur, mais juste, je ne veux plus en reparler. Faites-moi peur, allez-y. Ce qui vraiment se propage, c'est un objet géométrique qui mesure la distance entre deux particules qui sont en chute libre et qui s'appelle le tenseur de Riemann, ou tenseur de courbure. Mais voilà, je ne veux plus utiliser ça. Vous comprenez qu'un tenseur de Riemann, je ne veux pas le dire, allez-y. Mais sous forme d'un drap, c'est un peu, ça allait un peu loin. Cela dit, je voulais corriger une petite chose. Les ondes gravitationnelles qu'on détecte, c'est vrai, sont produites par des masses énormes. Mais quand, mettons, je gesticule, je produis aussi des ondes gravitationnelles. Quand vous montrez du doigt. Là, dans la maison aussi, de la radio, sauf on fait qu'elles sont si faibles qu'on ne pourra jamais les détecter. Mais tous les mouvements de masse, à moins qu'ils soient vraiment très symétriques, produisent des ondes gravitationnelles. Sauf qu'elles sont si faibles que ça ne compte pas. Alors, les ondes gravitationnelles que nous, pauvres bipèdes, on émet dans le studio de la radio, elles sont faibles, mais celles qui sont émises par les astres, dans l'univers, elles sont elles-mêmes extrêmement faibles. Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur pour faire sentir la faiblesse de ce phénomène? Tout à fait. Donc les signaux d'ondes gravitationnelles qui traversent nos détecteurs, donc ils vont induire des déformations de l'espace qui vont allonger et raccourcir les distances. Donc nos détecteurs font plusieurs kilomètres de long, 3 ou 4 kilomètres, et sur ces 3 ou 4 kilomètres, les distances vont changer d'une quantité qui se trouve entre 10 puissance moins 19 et 10 puissance moins 18 mètres. Donc on est au niveau du milliardième de la taille d'un atome. Donc ça explique la difficulté instrumentale. Alors ça montre aussi qu'il est extrêmement difficile de détecter les ondes gravitationnelles. Pour appuyer cette démonstration, on va écouter une archive qui date de 1993. On va entendre le radioastronome spécialiste du chronométrage des pulsars au grand radiotélescope de Nancy, François Birot. Il s'exprimait au micro de l'émission Perspective scientifique. Le chronométrage des pulsars permettra d'ailleurs peut-être d'une autre façon aussi de mettre directement en évidence cette fois la présence d'ondes gravitationnelles. Parce que, comme je viens de dire, le passage d'une onde gravitationnelle modifie les longueurs dans l'espace. Oui. Donc, si une onde gravitationnelle traverse la ligne de visée entre notre radiotélescope et le pulsar au moment où on est en train de mesurer les temps d'arrivée des impulsions, si l'onde gravitationnelle donc traverse cette ligne, on va voir la longueur, donc les temps d'arrivée, varier légèrement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voudrait bien chronométrer, non pas deux pulsars comme on le fait jusqu'ici, mais de nombreux pulsars. Ondes gravitationnelles qui pourraient être dues donc à d'autres systèmes, émises par d'autres systèmes justement comme des pulsars, ou qui pourraient être, ce qui est peut-être encore plus passionnant, un résidu de ce qui s'est passé au tout début de l'univers, au tout début du Big Bang. Ah oui aussi, oui. Parce que le Big Bang, de même qu'il a laissé un fond continu d'ondes de radio, qui est bien connu maintenant, a laissé probablement aussi un fond continu d'ondes gravitationnelles. Jean-Pierre Lazota, le pulsar comme instrument pour détecter les ondes gravitationnelles, c'est une bonne piste. C'était une piste citée en 93. Est-ce qu'elle est toujours Peut-être rappeler ce que sont les pulsars. Oui. Pardon. Peut-être rappeler ce que sont les pulsars. Les pulsars sont des étoiles à neutrons fortement magnétisées en rotation rapide sur leur axe. Et donc, à part ça, ce sont des horloges très précises. Et donc, chaque perturbation de leur mouvement peut détecter, parce que ça se voit quand une horloge est perturbée, une horloge aussi précise que ça est perturbée, donc ça se voit. Et donc, cette idée qui date, je ne sais plus de quand, elle est mise en place. C'est un détecteur, il faut dire tout de suite, pour des ondes gravitationnelles d'un type totalement différent de ce que détectent LIGO et Virgo. C'est des longueurs d'onde beaucoup plus grandes. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas eu de détection. C'est à la limite. On peut espérer, dans le futur proche, j'espère, d'avoir des détections. Je dis proche, j'espère, parce que il y a un autre projet qui est en train d'être réalisé pour détecter les ondes gravitationnelles de grande longueur, qui s'appelle LISA. C'est un projet spatial. Et je dis j'espère parce que, comme il doit être lancé mi-année 30, en connaissant le spatial, ça va être dans les années 40, je serai plus là pour voir les résultats. Donc je préfère attendre que la détection par les pulsars ait un succès. Donc oui, c'est une idée qui est excellente et qui est toujours... Il y a un réseau, même je crois deux réseaux de détection d'ondes gravitationnelles par les pulsars. Ce qui montre que LIGO Virgo, avec tous les mérites, d'ailleurs énormes parce qu'ils ont déjà découvert, n'est pas la seule façon de détecter les ondes gravitationnelles. Frédéric Marion, une réaction à cette archive ? Oui, donc c'est effectivement un champ de recherche très actif et totalement d'actualité, dont on attend effectivement que ça apporte des résultats dans les années à venir. Donc ce qui diffère là vraiment, c'est la fréquence des ondes gravitationnelles qu'on accède de cette manière-là. Nos grands interféromètres terrestres, ils ont une longueur de quelques kilomètres. Donc c'est à ces échelles-là qu'on mesure les déformations de l'espace. La chronométrie des pulsars, elle monitore l'espace sur des distances à l'échelle de la galaxie. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes échelles et donc pas du tout les mêmes fréquences d'ondes gravitationnelles qu'on accède de cette façon. Alors les ondes gravitationnelles, vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont produites, elles ne sont pas produites par n'importe quelle masse qui se déplace dans l'espace. Ce sont uniquement les événements extrêmement violents qui sont à l'origine des ondes gravitationnelles. Non, je ne sais pas ce qu'elle a dit, et c'est pas vrai ce que vous dites. Ah bon, bah. Ce qu'on détecte, c'est juste pour ce qu'on détecte. Ce qu'on détecte en ondes gravitationnelles dans le cas de LIGO Virgo. Dans le cas d'interféromètres terrestres. Les pulsars donc, qu'on a mentionnés pourront peut-être être détectés aussi en ondes gravitationnelles, et ils ne sont pas du tout violents, ils ne font rien d'autre que tourner sur leur axe. Et donc, comme je répète, toute masse en mouvement pas trop symétrique produit des ondes gravitationnelles. Ah oui, ça va rentrer. Et je vous permets de vous rappeler que Hals et Taylor ont eu le prix Nobel pour la découverte d'un pulsar binaire qui émet des ondes gravitationnelles. Et c'est aussi, du point de vue événement catastrophique, il y a eu dans le passé, mais là, c'est tout simplement rien de très intéressant. Deux corps qui tournent autour d'eux et qui émettent des ondes gravitationnelles. Pourtant, c'était une découverte fondamentale récompensée par le prix Nobel. Est-ce que les ondes gravitationnelles peuvent être un outil pour faire de l'astronomie, pour détecter, pour découvrir de nouveaux corps célestes, dans la typologie des trous noirs, par exemple ? Frédéric oui, Marion. C'est effectivement le seul moyen dont on dispose pour observer les trous noirs directement, qui, avant les premières détections d'ondes gravitationnelles, n'étaient visibles, entre guillemets, que dans certaines circonstances, lorsque dans leur environnement proche, de la masse pouvait être accélérée, portée à haute température et devenir visible. Mais là, on a effectivement le seul outil qui nous permet de voir, entre guillemets, les trous noirs de façon directe. Monsieur Lazota. Ben, je dirais que Frédéric et ses collègues, on les compare dans notre livre à Galilée. Ils ont créé un nouveau domaine de la science, l'astronomie gravitationnelle. Et ça ne va pas seulement découvrir des objets ou des processus que nous ne connaissons pas, mais même ça permet d'avoir accès à des processus qui ont été déjà décrits. Par exemple, cette fameuse coalescence l'étoile qui est produite sur ce gamma, on aurait eu observé ce sursaut gamma sans les ondes gravitationnelles, mais c'était un sursaut plutôt faible, sans beaucoup d'intérêt. Le fait qu'on connaît les masses des étoiles à neutrons qui l'ont créé, on connaît la physique grâce aux ondes gravitationnelles, on a tout d'un coup découvert que c'est toujours débattu, un nouveau type de sursaut gamma. Donc, mais ce n'est qu'un début, on n'a que 11 objets. Donc je pense que si vous nous invitez dans un an, on en aura déjà beaucoup plus, et il y aura évidemment des nouveaux, ça arrive toujours comme ça, il y aura des choses inespérées, inattendu, mais il faut vraiment se rendre compte que cette découverte, c'est pas juste une confirmation de l'existence d'ondes gravitationnelles, parce que ça, on savait qu'elles existent. Mais ça crée une nouvelle science. Hein. Et si je compare Frédéric à Galilée, je le pense vraiment. Frédéric et ses collègues. Hein, il faut... est-ce que les astrophysiciens, justement français et ailleurs, se sont suffisamment saisis de cette matière des ondes gravitationnelles? Est-ce qu'ils ont pris conscience que c'était un nouveau instrument à leur disposition pour parfaire leur discipline? Frédéric Marion. Oh oui, absolument. On parle de nos jours beaucoup d'astronomie multimessager. Donc c'est vraiment ce qui se cache derrière ce terme. C'est-à-dire que c'est quoi l'astronomie multimessager? C'est justement une astronomie où on met ensemble différents messagers. Donc maintenant, on a les ondes gravitationnelles, un nouveau messager qui s'est ajouté en particulier à la lumière. L'astronomie traditionnelle est presque essentiellement basée sur la lumière, sur l'ensemble du spectre électromagnétique. C'est très riche. Mais là, on a une nouvelle façon d'observer ces sources. Oui, juste pour dire, les messagers, c'est les ondes électromagnétiques, les ondes gravitationnelles et les neutrinos, qui aussi a eu de gros progrès dans l'astronomie des neutrinos. Donc, les messagers, ce sont ces particules, photons, neutrinos, rayons cosmiques, gravitons, je sais pas si on existe, mais en tout cas, ces messagers, c'est parce que avant on disait multilongueur d'onde. Maintenant, c'est pas les longueurs d'onde, c'est les messagers qui sont différents. Par contre, si vous permettez de... Allez-y, oui. Parce que nous parlons ici en France Culture. Je pense que Frédéric était très gentil, mais je pense que les astronomes et les astrophysiciens français s'intéressent pas assez aux ondes gravitationnelles. Il y en a quelques, il y a quelques personnes, mais je pense que les astrophysiciens et la communauté, comme on dit, n'est pas encore convertie, n'a pas encore compris ce qui se passe. Pour quelle raison ? Écoutez, ça, je vous ai dit encore une fois, vous n'êtes pas psychologue. Je les connais. Non, c'est aussi, il y a toujours dans chaque domaine des sciences, il y a un conservatisme. Et quand on est bien, surtout quand on a bien fait des choses, on est content de ce qu'on a fait, il y a beaucoup de gens qui aiment plus changer de sujet. Mais ça, c'est juste une hypothèse. Je pense qu'aussi, il y a, pendant l'époque précédente, avant la découverte, il n'y a pas eu assez d'interaction entre les astrophysiciens et les physiciens qui cherchaient les ondes gravitationnelles, soit par observation, soit par calcul. Et là, je voudrais encore préciser, astrophysicien, c'est pas un physicien théoricien, parce que je lis souvent, on dit l'astrophysicien Stephen Hawking. Non, il était physicien théoricien, astrophysicien. C'est vraiment des gens qui font de la physique appliquée aux étoiles et aux objets célestes, etc. Donc, j'espère que ça va changer, parce que ça devra changer. Alors ça pourrait changer en tout cas, parce qu'on n'a pas insisté suffisamment sur ce point, mais la découverte de septembre 2015, suivie d'une publication en 2016 et du Nobel en 2017, ça a vraiment été, c'est une révolution scientifique. Frédéric Marion. Oui, c'est une révolution scientifique et pour ces deux aspects, c'est-à-dire que on s'intéresse aux ondes gravitationnelles pour elles-mêmes et pour vérifier malgré tout cette prédiction de la théorie et puis vérifier que les ondes gravitationnelles ont bien les propriétés que la théorie leur prêtait. Et les ondes gravitationnelles sont aussi ce nouvel outil pour faire de l'astrophysique, mais pas seulement, pour faire de la physique fondamentale, pour faire de la cosmologie. Donc c'est vraiment une nouvelle perspective qui s'ouvre. Et de plus, cette première détection, c'était que la première. Il y en a d'autres qui ont suivi. Donc on commence à avoir une population de sources qu'on peut commencer à cerner. Ça permettrait d'avoir davantage d'informations, par exemple sur la constante de Hubble, qui donne le taux d'expansion de l'univers. Effectivement, donc la fusion d'étoiles à neutrons qui a été observée le 17 août 2017, elle nous offre une nouvelle manière de mesurer le taux d'expansion de l'univers local. Pour faire cette mesure, il faut calculer le rapport entre la distance d'une source et la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous. Or, les ondes gravitationnelles nous permettent de faire une mesure assez directe de la distance de la source. Quand on combine ça aux observations électromagnétiques qui nous permettent d'identifier la galaxie hôte, comme ça a été le cas pour cette fusion d'étoiles à neutrons, on a accès à la vitesse d'éloignement, donc on peut faire cette mesure du taux d'expansion de l'univers, donc de la constante de Hubble. Alors avec un seul événement, évidemment, la mesure n'est pas précise, elle est au niveau de 15%, mais ça démontre le potentiel de cette méthode nouvelle et indépendante des autres, qui va permettre de faire cette mesure précisément dans le futur. Et c'est d'autant moins un luxe que les méthodes traditionnelles qui permettent de mesurer la constante de Hubble ne sont pas tout à fait d'accord entre elles. Ce travail sur la constante de Hubble, ça peut être un des chantiers du futur concernant les ondes gravitationnelles, Jean-Pierre Lazota ? Oui, évidemment. C'était prévu il y a déjà très, très longtemps. Évidemment, pour le faire, on ne peut pas se servir des étoiles, des trous noirs. Parce que le trou noir, il n'y a pas de correspondant. Donc on sait même où est ce trou noir, dans quelle direction, même si on sait exactement, on ne pourra pas savoir dans quelle galaxie il est. Donc on a besoin de coalescences d'étoiles à neutrons qui, on verra déjà l'année prochaine, quelle est leur fréquence. Parce que on a eu peut-être de la chance de voir cette coalescence qu'on a vue, c'était assez inespéré, c'était pas prévu d'ailleurs, si j'ose dire, parce que elle était assez proche malgré tout. Mais c'est vrai que si c'est pas l'année prochaine ou dans 2 ans, ça va être dans 5 ans, comme a dit Frédéric, l'astronomie gravitationnelle donne un outil de mesurer les distances d'une façon extrêmement précise. Quand on aura plus d'objets, on pourra descendre au-dessous de 1%, je pense, et ça va être mieux que ce que font maintenant les astronomes. Donc c'est vraiment cet aspect cosmologique est extrêmement important, surtout que, à ma grande surprise, les observateurs se déchire toujours pour savoir, bon, c'est pas comme avant, c'est pas un facteur 2, mais en tout cas, ils sont toujours pas d'accord pour savoir quelle est l'échelle des distances. Il y a aussi autre chose qu'on peut espérer, et si on a de la chance, et pour le moment, Laigle-Virgo a de la chance, si on observait, par exemple, en onde gravitationnelle, une explosion de supernova. Oui. Il faut qu'elle soit ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, une explosion de supernova. Pardon, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, une explosion de supernova. Non, ça se trouve, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Mais elles sont très loin. Oui. Et on attend toujours une dans notre galaxie depuis 300 ans, si je ne me trompe pas. Et on en a eu une dans les nuages de Magellan, mais on n'était pas prêt. Mais voir une supernova en onde gravitationnelle, ça serait une vraie révolution scientifique, parce que ça permettrait de comprendre comment marchent ces événements, ces explosions cataclysmiques ou catastrophiques. On ne les comprend toujours pas. Et ça pourrait être un exemple formidable d'astronomie multimessager, parce que ces supernovae émettent, ça on le sait, on les a mesurés, des neutrinos, et évidemment les ondes gravitationnelles, c'est prévu, et les ondes électromagnétiques, parce que ce sont des supernovae, c'est comme ça qu'on les voit. Donc ça pourrait être, si vous avez de la chance, et je vous souhaite d'avoir cette chance, ça serait encore quelque chose d'extraordinaire. Frédéric Marion, les supernovas, ça peut effectivement, être... on en rêve, hein, mais on y travaille, parce que la chance, ça se mérite en général, donc on peut pas faire venir les supernovas quand on le voudrait. En revanche, on peut travailler à rendre nos détecteurs plus sensibles, et à mesure qu'on aura des détecteurs plus sensibles, on va augmenter nos chances d'observer les telles supernovas. The bomb, but he had second thoughts. At first he wanted it, but later he did not. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Everyone says he's right. After Einstein died, they looked inside his brain. They didn't find anything new. It was just the same. And it's still in the office of some doctor, in a jar, in a box, in the corner. C'était Einstein, par Erin Kenny, une chanson qui a beaucoup plu à Frédéric Marion et qui me confirme que les paroles sont scientifiquement exactes. Oui, je suis assez admirative que vous ayez réussi à trouver une illustration musicale dans le thème. Alors, il est 16h34 sur France Culture et on parle des ondes gravitationnelles qui avaient été prédites par Einstein en 1916. Dans une première partie de l'émission, nous avons évoqué rapidement cette polémique entre guillemets avec des physiciens danois. Ensuite, on a essayé d'expliciter ce que sont les ondes gravitationnelles et quels sont les monstres cosmiques qui peuvent les produire. Nous sommes toujours avec Frédéric Marion, physicienne spécialisée des ondes gravitationnelles, directrice de recherche au laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules, où vous travaillez dans l'équipe Virgo. Et nous sommes avec Jean-Pierre Lazota, directeur de recherche émérite au CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, Sorbonne Université, professeur au centre d'astronomie Nicolas Copernic de Varsovie. Alors, depuis le début de cette émission, on a beaucoup parlé d'eux. C'est peut-être le moment d'aller précisément les décrire, LIGO et Virgo. Les deux jumeaux bénéfiques des ondes gravitationnelles. LIGO, c'est un instrument européen, américain, aux États-Unis, qui est constitué de deux entités distinctes, Frédéric Marion. Effectivement, donc ce sont deux interféromètres presque exactement identiques, qui utilisent la lumière de laser qui circule entre des miroirs suspendus pour mesurer la distance qui sépare ces miroirs et repérer des variations au passage d'ondes gravitationnelles. Alors si on essayait de se représenter mentalement l'objet, ce sont des lasers qui circulent dans d'immenses couloirs, tunnels sous vide. Oui, voilà, c'est ça, dans des enceintes à vide, parce que l'air perturberait la propagation de ces faisceaux laser, et ces faisceaux se réfléchissent sur des miroirs. Et par interférométrie, c'est un moyen précis, sensible, de monitorer la distance qui sépare ces miroirs suspendus. Et donc c'est un bon capteur d'ondes gravitationnelles. Alors pourquoi ? Comment les ondes gravitationnelles arrivent dans l'affaire ? Alors, au passage d'une onde gravitationnelle, donc l'espace vibre, donc les distances s'allongent ou se raccourcissent. Et donc ça va se produire de manière différente dans deux directions perpendiculaires. Donc dans un des bras de l'interféromètre, les distances vont devenir plus petites alors qu'elles vont s'allonger dans l'autre. Et en comparant les signaux reçus des deux bras de l'interféromètre, on peut mesurer ça avec sensibilité. En fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à mesurer un signal aussi petit que possible au niveau de ces 10 puissance moins 19 mètres qu'il nous faut mettre en évidence. Et pourquoi utiliser, à l'intérieur même de LIGO, deux instruments qui sont distants l'un de l'autre de plusieurs centaines de kilomètres? Enfin, ils sont dans plusieurs milliers de kilomètres. Ils ne sont pas dans les mêmes états aux États-Unis? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que vous avez compris qu'on cherchait des signaux qui sont extrêmement ténus et qui, en plus, sont relativement rares. Donc, pouvoir faire ce qu'on appelle une coïncidence, c'est-à-dire une détection simultanée ou quasi-simultanée de signaux dans plusieurs détecteurs, c'est absolument fondamental pour se convaincre qu'on a bien une onde gravitationnelle. Et l'autre raison, c'est que pour remonter à la direction de la source dans le ciel, on a absolument besoin d'avoir plusieurs détecteurs. Deux, c'est très peu précis. Trois, c'est beaucoup mieux. Et à mesure qu'on en aura d'autres, ça deviendra de plus en plus précis. Alors Jean-Pierre Lazota, on en a d'autres, puisqu'on a également, on peut travailler avec Virgo, qui est l'interféromètre européen. Oui. Il est installé à Pise, du côté de Pise. À côté de Pise, à Cachina, plus précisément, oui. Il y aura bientôt Kagra, qui est un interféromètre cryogénique japonais. Virgo est constitué de il a la même architecture que plus ou moins, enfin c'est plutôt Frédéric Friedel demandait, mais plus ou moins il y a une différence de taille. LIGO c'est 4 km, Virgo c'est 3 km. Il y a aussi les suspensions qui sont légèrement différentes, mais par exemple les miroirs de LIGO, on ne le dit pas, mais les miroirs ont été produits à Lyon. Et donc c'est les mêmes miroirs, enfin de même type. Donc les différences sont, c'est le même type d'instrument. Kagra, c'est déjà différent. C'est le japonais, donc. Oui, parce que là, ils vont refroidir une partie du détecteur, ce qui va limiter les bruits. Mais je voudrais dire une chose, poser la question, pourquoi deux? Or, quand il y a eu le rapport Fleury, il y a 30 ans, c'était le CNRS qui avait demandé à Patrick Fleury, un éminent physicien, de faire un rapport sur la faisabilité et sur l'idée de construire un détecteur d'ondes gravitationnelles, parce que l'idée était déjà dans l'air. Il y avait même des projets et en France et en Italie et en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et ce rapport disait que pour vraiment qu'on soit concurrentiel avec les États-Unis, il faut construire deux instruments. Mais on a construit deux instruments en fin de compte. Il y avait Virgo à Kachina, fait 3 kilomètres, et puis près de Hanovre, les Allemands et les Britanniques, pour des raisons financières, ont construit un détecteur dont on n'a pas parlé, mais qui était très important pour des raisons technologiques, le développement de technologies, qui s'appelle Géo, mais qui n'a que 300 mètres, je me rappelle bien. Donc, en tout cas, qui peut pas vraiment être... Il est toujours en marche, mais il ne peut pas vraiment détecter. Donc, c'est parce qu'on n'a pas écouté ces rapports, et pas seulement ce rapport, il y a d'autres personnes qui disaient ça, on est en fait resté avec un détecteur, et un détecteur tout seul ne pouvait rien faire. Il fallait être en accord avec les Américains, bon, qui ont eu la chance d'être les premiers, ça c'est encore une autre affaire, mais on aurait dû, en Europe, commencer à construire pas deux instruments et pas seulement un. C'est pourquoi, allez-y. Non, allez-y. C'est pourquoi, Frédéric Marion, il y a un partenariat entre LIGO et Virgo qui partagent leurs données, qui analysent ensemble les données qui sont acquises. Absolument, oui. Donc, effectivement, deux instruments de grande taille en Europe, ça aurait sûrement été très bien. En revanche, la concurrence avec les Américains s'est transformée en coopération. Donc, du coup, c'est pas si grave, finalement, puisque les deux, LIGO et Virgo, travaillent ensemble sous forme d'un réseau de détecteurs. On partage nos données, on les analyse ensemble depuis plus de 10 ans maintenant. Vous avez décrit LIGO tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des particularités propres à Virgo qu'on pourrait dire? Pas au niveau dont on parle là. En fait, ce sont vraiment des instruments qui sont très similaires. Alors, entre chaque campagne de détection de LIGO et Virgo, on améliore la sensibilité des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Mais leurs technologies ne sont pas toujours éprouvées sur place. Tom Humdenstock, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu au laboratoire de l'accélérateur linéaire sur le campus d'Orsay, où l'on pratique des tests sur un mini Virgo. Oui, j'ai rencontré Patrice Hélo et Nicolas Leroy qui m'ont fait visiter le dispositif Calva, un prototype simplifié de l'interféromètre européen Virgo. La plateforme de test technologique de 50 mètres de long permet aujourd'hui d'expérimenter de nouvelles techniques d'optique. Elles ont pour but d'éliminer le bruit quantique afin que les prochaines campagnes de détection puissent entendre plus finement le murmure des ondes gravitationnelles. On est dehors, il pleut pas. On est donc au cœur du campus d'Orsay, donc en face de l'ancien cyclotron, pas loin donc du laboratoire de l'accélérateur linéaire auquel on appartient. Donc notre bureau est là-bas, à 50 mètres, et le cœur du bâtiment est derrière nous, derrière la voiture qui vient de passer, à 100 mètres. Ce qu'on a sous les yeux, c'est un ancien miroir de Virgo, avec le bas de suspension. Donc on voit ce qu'on appelle une marionnette. Et derrière aussi le miroir, on voit aussi des petits aimants. Là. Donc tout ça sert à contrôler la position, et en distance et la position angulaire des miroirs, de façon à pouvoir aussi contrôler tous les degrés de liberté optique de l'interféromètre Virgo. C'est un élément évidemment essentiel, c'est l'élément sensible des détecteurs. C'est grâce à l'interaction avec la lumière, avec ces miroirs, qu'on peut mettre en évidence après le passage d'une onde gravitationnelle. Vous dites que c'est l'ancien miroir de Virgo. Depuis, donc, on est passé à une phase, à ce qu'on appelle Advanced Virgo. Donc, on est passé à une vitesse un peu supérieure, à une seconde génération d'interféromètres plus sensible. Et d'ailleurs, c'est grâce à la seconde génération d'interféromètres qu'on a pu détecter les premières ondes gravitationnelles, par LIGO d'abord, puis après par LIGO et Virgo en 2017. Vous voulez dire que celui-là, il n'a rien détecté, en fait ? Il servi de test sur la méthode ? Exactement, c'était la première génération. Donc, on a pris des données jusqu'en 2011. Hein. Il y a eu plusieurs phases de prise de données entre LIGO et Virgo. Et cette première génération, pas assez sensible, n'a rien détecté. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on était capable de contrôler ces appareils très complexes et de les amener à la sensibilité de design. Donc on avait bien rempli le cahier des charges avant de pouvoir passer à la seconde génération qui, elle, a eu la sensibilité suffisante pour détecter les premières ondes gravitationnelles. Et là, on va aller visiter le prototype Calva, la plateforme Calva qu'on opère depuis quelques années au laboratoire. Alors ici, on est dans l'un des halls expérimentaux du laboratoire, qui donc c'est le hall Calva pour cavité pour le log de Virgo avancé. C'est en fait un endroit où on a décidé d'installer un système de cavité optique un peu comme Virgo, enfin plus simple, pour essayer d'avoir de l'expérience sur comment contrôler les cavités qu'on a dans Virgo et également pour essayer de développer des systèmes autour de la physique quantique qui vont nous permettre d'améliorer les bruits de notre détecteur, enfin du détecteur Virgo dans le futur. C'est plutôt un prototype, c'est une simplification de l'interféromètre Virgo, mais en termes de problématiques sur l'acquisition du contrôle, c'est assez similaire à ce qu'on aurait dans Virgo. À quoi est-ce que ressemble cet instrument exactement ? De quoi est-ce qu'il est composé ? Alors en fait, vous êtes dans un hall qui fait plus de 100 mètres de long, dans lequel en fait, vous allez avoir deux salles blanches, dans lesquelles en fait, on va avoir les enceintes à vide où nos miroirs sont installés, et vous avez un grand tube de 50 mètres entre les deux miroirs, pour justement protéger la propagation du faisceau lumineux laser qui va se propager entre les différents miroirs et éviter que des poussières ne perturbent et que tout bruit acoustique ne vienne perturber la mesure. Et donc c'est vraiment une plateforme de test technologique plutôt qu'un détecteur d'ondes gravitationnelles. Quelles améliorations ont permis d'apporter cette plateforme, ce prototype ? Ce prototype en fait avait été créé pour mettre en place un nouveau système qui n'a pas été au final utilisé dans Virgo, mais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on est en train de modifier le système pour tester une technologie qu'on appelle le squeezing, qui en fait sur laquelle vous allez jouer sur les bruits quantiques qui limitent votre mesure dans un interféromètre quand même qui fait 3 km sur 3 km. Et le bruit qui vous limite le plus, c'est le bruit quantique. Et donc il y a des techniques d'optique qui vous permettent de gagner sur les bruits que vous pouvez mesurer. On est en train d'installer encore des bancs optiques. On modifie nos bancs optiques régulièrement pour pouvoir justement travailler et être toujours à la pointe et essayer de pouvoir participer justement au développement technologique pour les détecteurs d'ondes gravitationnelles. On va mettre la blouse à Charlotte, les surchausses. On va se déguiser un petit peu. Pour éviter quoi exactement ? Pour que vous mettiez tous vos cheveux et vos poils de barbe par terre, sur les optiques, etc. Alors ici, on est dans la première salle blanche donc de l'expérience Calva. C'est une salle dans laquelle on a installé en fait une partie de nos enceintes à vide. On avait l'un des miroirs qui est de la cavité qui est installé ici. On a aussi une deuxième cuve qui est installée depuis quelques semaines maintenant, dans laquelle on va installer un certain nombre d'éléments optiques sur une table pour pouvoir en fait travailler sur les effets quantiques de la lumière et essayer de pouvoir travailler sur l'amélioration de la sensibilité de nos détecteurs dans le futur. Et derrière en fait cette cuve, on a une table optique principale dans laquelle on a déjà un certain nombre d'éléments installés, mais qui est encore en cours d'installation. Et on a mis en place tout un système qui nous permet d'être assez flexible et donc de pouvoir, en fait, selon l'endroit où on a besoin de travailler dans la salle, de pouvoir envoyer nos lasers à différents endroits. Alors, on utilise dans ce genre d'expérience des lasers parce que c'est de la lumière qui est très très stable, dont la longueur d'onde est très très bien connue. Et donc, quand on veut mesurer précisément la distance entre deux miroirs, il nous faut une règle. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va comparer en permanence la distance entre les deux miroirs à la longueur d'onde de notre laser. Et donc, si le laser est très stable, on peut avoir un contrôle très précis. Et derrière, à côté de ça, on a donc l'enceinte, la grande enceinte qui est en cours d'installation, est une magnifique enceinte rouge, qui est quand même un des objets que beaucoup de gens nous envient maintenant, et qui donc, grâce à sa couleur, s'est faite surnommer Ferrarix. Et donc c'est dans cette cuve qu'on va commencer à travailler là dans les prochaines semaines, puisque maintenant qu'elle est installée, on va pouvoir réellement installer nos éléments optiques. Alors dans ce reportage de Tom Amdenstock, on comprend Frédéric Marion qui a tout un travail qui est fait quasiment au jour le jour pour faire évoluer la sensibilité des détecteurs. Quel est l'enjeu ? Alors l'enjeu, il est très important, puisque améliorer la sensibilité des détecteurs, ça veut dire être capable de mesurer des signaux d'ondes gravitationnelles plus petits, plus faibles, et donc de voir des sources plus lointaines. Donc c'est vraiment ce dont on a besoin pour sonder l'univers en profondeur et accumuler de la statistique, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire passer de la dizaine de sources qu'on a observées aujourd'hui à plusieurs dizaines, plusieurs centaines, qui va nous permettre de caractériser la population de sources de manière beaucoup plus fine et de concrétiser ce programme de physique qu'on évoquait tout à l'heure, de faire de la physique fondamentale, de l'astrophysique, de la cosmologie avec les ondes gravitationnelles. Jean-Pierre Lazota, une réaction sur ce reportage ? Oui, j'en ai une. Je trouvais ça assez amusant parce que Patrice Hello, il y a maintenant très longtemps, je n'arrivais pas à le croire, parce que je l'ai connu quand il était un jeune homme, très jeune homme, Virgo avait décidé de pas construire de prototype. Parce qu'on trouvait, à l'époque, c'était une très bonne décision, faire un prototype, ça ne sert à rien. Il faut vraiment construire l'instrument lui-même. Directement. Par contre, ce qu'avait fait Patrice Hello sous la direction de avec son directeur de thèse, Jean-Yves Vinet, ils ont produit un instrument virtuel. Ils ont écrit un code qui décrivait l'interféromètre LIGO, Virgo, parce que c'est toujours utilisé, je pense. Et donc, Patrice, qui a commencé par, dans une équipe qui voulait pas faire de prototype, mais a fait un prototype virtuel. Maintenant, il est toujours dans la même équipe. Et c'est un chercheur confirmé. Et maintenant, il construit des prototypes. Et donc, cela illustre les changements et justement, une qualité de chercheurs comme Patrice qui peuvent changer justement de travail sur ordinateur à un travail dans le labo, mais ça montre aussi que la recherche des ondes gravitationnelles, c'est un combat incessant contre le bruit. Et j'étais pendant des années dans des comités qui embêtaient les chercheurs de Virgo, si j'ose dire comme ça. Non, je plaisante. Et j'étais toujours impressionné par cette patience et cette patience et certitude des chercheurs qui travaillaient dans Virgo. Je pense dans LIGO, c'était la même chose. C'était un combat incessant. Dès qu'il y avait un problème qui était résolu, il y avait tout d'un coup quelque chose qui tombait, on dirait, du ciel pour encore rendre les choses difficiles. Et il y a eu toute leur intelligence, compétence et patience que j'admire toujours. Et il faut se rendre compte que c'est bien de dire, voilà, c'est un interféromètre, 3 kilomètres, mais c'est extrêmement compliqué. Je sais plus combien il y a 200 000, je pense, sous-éléments qu'il faut contrôler. Et c'est un combat incessant contre le bruit. Alors c'est un combat contre le bruit, mais il y a le bruit qui vient de l'espace, mais il y a aussi le bruit qui vient de la Terre, parce que la sismique, mais même des choses assez triviales comme, je sais pas moi, le train qui va passer à côté, Frédéric Marion. Oui, effectivement, donc il faut mettre en œuvre tout un ensemble de technologies pour isoler nos miroirs du bruit d'origine sismique, qui effectivement n'est pas seulement dû au tremblement de terre, mais à toute l'activité humaine, le bruit thermique, le bruit quantique, et puis tout un tas de bruits d'origine technique qu'il faut effectivement combattre un à un. Et cette difficulté ne disparaît jamais. En fait, c'est pas parce qu'on a pu construire et faire fonctionner des détecteurs qui ont eu la sensibilité pour détecter les premières sources d'ondes gravitationnelles que ça devient facile de progresser. Ça reste toujours aussi difficile et ça demande de développer de nouvelles technologies pour y parvenir. Alors, est-ce que LIGO et Virgo pourront être améliorés par une succession de dispositifs plus perfectionnés, ou est-ce qu'à un moment on va arriver à un mur et il faudra construire un autre LIGO, un autre Virgo ailleurs ? Est-ce qu'on a des pistes sur ces questions-là ? Donc c'est les deux en fait, c'est-à-dire que aujourd'hui on n'est pas encore arrivé aux limites de ce qu'on peut faire dans les infrastructures existantes. Donc on continue à faire progresser les instruments actuels. Donc là on y travaille depuis plus d'une année et on va continuer à le faire avant la prochaine prise de données qui devrait démarrer au printemps de l'année prochaine. Et puis ça va se poursuivre pendant plusieurs années. Et puis effectivement arrivera un moment où on sera aux limites de ce que permet l'infrastructure et il va falloir envisager, enfin on l'envisage déjà, des détecteurs plus grands, plus performants dans de nouvelles infrastructures. Mais est-ce que la logique ce serait d'en construire ailleurs dans le monde pour faire une sorte de maillage de la Terre pour avoir une couverture du ciel la plus globale possible? Effectivement, oui, on est toujours bien mieux loti avec plusieurs détecteurs qu'avec un seul. Jean-Pierre Lasota, vous avez évoqué tout à l'heure le télescope, enfin LISA, cette fameuse LISA qui va être envoyée dans l'espace. Alors un démonstrateur a déjà été envoyé dans l'espace. C'était pas un démonstrateur, c'était un satellite qui testait les technologies. C'était pas un interféromètre. D'ailleurs, ça s'est très bien passé, mais c'était pas un démonstrateur. Alors un démonstrateur technologique, ouais. Si vous voulez. Le vrai interféromètre spatial doit être, vous l'avez dit tout à l'heure, lancé vers 2030. Et 2030 quelque chose. Si, hein. Ils sont toujours en retard, donc ouais. On va dire un peu plus. Mais pourquoi aller dans l'espace pour voir les ondes gravitationnelles? Ça a été abordé aussi précédemment. C'est pour voir un différent type d'ordre d'ondes voilà. Gravitationnelles. Donc pour accéder à un nouveau domaine de fréquence, donc aller au niveau du millihertz, alors que les détecteurs terrestres sont sensibles entre quelques hertz, quelques dizaines de hertz et quelques kilohertz. Et donc au niveau du millihertz, eh bien, on va pouvoir détecter des ondes gravitationnelles provenant de sources à la fois similaires et différentes. C'est-à-dire que on verra toujours des fusions de trous noirs, par exemple, mais au lieu qu'il s'agisse de trous noirs de masse stellaire, comme ceux qu'on voit aujourd'hui, il s'agira de trous noirs supermassifs, donc ceux qu'on trouve au centre des galaxies. Ah, les fameux supermassifs, on en a parlé un petit peu avant l'émission, Jean-Pierre Lasota. Supermassifs, c'est des trous noirs qui ont des masses au-dessus de 1 million de masses solaires, comme celui qui est au centre de notre galaxie. Donc, c'est ça qui sont supermassifs. C'est pas qu'ils sont plus massifs que ceux que détecte LIGO Virgo, mais ils sont beaucoup plus. C'est une autre catégorie d'objets. C'est toujours des trous noirs avec les mêmes propriétés, mais sauf des masses sont plus grandes, les tailles sont plus grandes, et quand des galaxies se rencontrent et se bouffent l'une l'autre, il y a les trous noirs qui se rencontrent. Et dans la dernière phase de cette rencontre, on peut détecter les ondes gravitationnelles qui sont émises pendant ce processus. Il y a aussi un autre aspect qui est très intéressant, et aussi pour tester la relativité générale et la structure des trous noirs, ils n'en ont pas beaucoup, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que on peut aussi, ces trous noirs supermassifs capturent d'autres objets compacts, comme une étoile à neutrons ou un petit trou noir. Cela induit des oscillations du trou noir, et cela aussi émet des ondes gravitationnelles. Et cette oscillation du trou noir pourra nous montrer est-ce que c'est vraiment un trou noir ou peut-être un autre corps qui ressemble à un trou noir. Donc ça, c'est aussi dans les années 2030, mais c'est une possibilité qui est extrêmement intéressante et importante. Alors LISA, très très rapidement, pourra aussi détecter les ondes gravitationnelles qui se sont formées au début de l'univers. Frédéric Marion. Alors peut-être, donc ça effectivement c'est un graal de physicien détecteur d'ondes gravitationnelles. On s'attend à ce que l'univers soit baigné d'ondes gravitationnelles primordiales. Quelle est l'intensité de ce signal? Ça c'est toute la question. C'est pas gagné. Alors on y reviendra sans aucun doute dans un prochain opus de la méthode scientifique. L'émission de ce jour est terminée. Nous étions avec Frédéric Marion et Jean-Pierre Lasota. Jean-Pierre Lasota, co-auteur du livre Les ondes gravitationnelles avec Nathalie Deruel chez Odile Jacob, qui nous écoutait. J'espère que ça lui a plu. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lausanne et Tom Amdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, Pierrick Monsigny. Demain, nous parlerons de la supraconductivité à température ambiante. C'est pour demain, c'est pour quand en fait? On verra, on en parlera demain. On en parlera demain à 16h évidemment, jusqu'à preuve du contraire.